pas chanter avec la bouche, mais tu vas le murmurer avec ton cœur. Laisse que ton cœur l'exprime. Essaie un peu d'entrer en esprit. Laisse parler ton cœur. Le même cantique que tu le parles maintenant à l'intérieur de toi. Dans ta profondeur. Ouvrez la bouche encore une fois. Oh, you are holy. You are holy. You are holy. You are holy. Laisse que ton nom puissant soit élevé encore ce matin. Tu es Dieu de génération en génération. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es élevé au-dessus des nuages, au-dessus des montagnes. Ton trône est élevé. Kiti chako chimeinuka. Ton trône est élevé. Kiti chako chimeinuka. Ton trône est élevé. Kiti chako cha enzi kimepa. A toi la louange. Sifa. A toi la magnificence. Eshima. A toi la puissance. Mamulaka. A toi la force. Guvu ziweza. A toi le règne. Utawale. Digne d'être célébré, digne d'être acclamé. Nous t'acclamons ce matin, Père. Nous t'acclamons ce matin, Père. Nous nous réjouissons dans ta présence. Nous nous réjouissons dans ta présence. Oh, que ton règne vienne enseigner. Au falme wako, oye. Accomplis ta volonté, Seigneur. Timiza mapenzi yako Mungu. Tu as voulu, Seigneur, ton église sainte. Ulipenda kanisa lako liwe takatifu. Et toi-même, tu as dit, je bâtirai mon église. Mwenye ulisema nitajenga kanisa. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Milango ya kuzimu haitaiangusha. La voici ton église, Seigneur, que tu veux bâtir. Ona ilo kanisa ambalo nataka kujenga. Oui, Seigneur, sens-toi libre de travailler maintenant. Uwe huru kwa kutumika sasa. Au travers de ton esprit. Kupitia roho wako. Oui, Seigneur, nous sommes disponibles. Tupo tayari. Comme l'argile entre les mains du potier. Kama vile udongo mikononi mwa mfinyanzi. Nous abandonnons entre tes mains. Ce que tu as commencé de faire en nous, oui, Père, achevez-le. Oui, et ce que tu veux faire au travers de nous, oui, Père, atteins tes objectifs encore. Ce matin, nous voici. Nous sommes disponibles, Père, tupo tayari, Baba, à t'écouter. Kukusikia. Parle à nos cœurs. Corrige-nous, Seigneur. Tu rekebishe. Edifie-nous, ô Seigneur. Tu imarishe. Éclaire-nous encore, ô Seigneur. Tu angazie tena Mungu. Transforme là où il y a besoin de transformation. Badilisha pamba pe na bidi kubadilike. Afin que Seigneur nous puissions devenir parfait. Ili kwamba tuwe wakamilifu. Afin que l'homme de Dieu soit parfait. Ili kwamba mtumishi wa Mungu awe mkamilifu. Tayari kwa tendo bora. Selon ta volonté. Kulingana na matakwa yako. Au nom de Jésus Christ. Kwa jina la Yesu. Tunaikala. Tunasema karibu katika presence ya Mungu. Disons bienvenue dans la présence de Dieu. Utakaribisha dada ndugu pembeni yako mwambie karibu. Tu vas accueillir le frère, la sœur qui est à côté de toi et dis-lui bienvenue. Karibu papa, pasteur Chamala, karibu pasteur, karibu. Nous disons bienvenue au pasteur Chamala. Nous lui accordons la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Tunamshukuru Mungu. Vous savez, Les musulmans vont à la Mecque. Waislamu wanakwenda Maka. Nous nous venons au tournant. Sisi tunakuja kwenye tournant. Alléluia. Amen. J'ai eu juste une occasion de venir et je me suis dit non, que je vienne passer ces quelques jours ensemble avec vous. Nilipata fursa kidogo ya kukuja nikasema acha nikuja kupitisha siku chache pamoja nanyi. Et que je puisse aussi bénéficier de cette grâce. Na niweze kushota tena neema hii. Amen. Amen. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Pana vitu vingi vya kusema. Mais vous avez les salutations de madame. Lakini mke wangu anawasalimu. Alléluia. Amen. Et peut-être vous le savez pas, on a deux filles et il y a un troisième qui est venu et c'est un garçon. Yawezekana mjue, tuna wanawake wasichana wawili na mvulana amezaliwa tayari. Et ça nous fait du bien. Amen. Na tunashukuru Mungu. On aura peut-être l'occasion de témoigner un jour. Tutapata muda wa kushuhudia. Mais le Seigneur fait des grandes choses. Lakini Mungu yuko nafanya makubwa. Dis à ton voisin persévère. Ambia aliye karibu nawe dumu. Alors tu le secoues bien, tu dis persévère. Mutikise vizuri mwambie dumu. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un Dieu ici. Pana Mungu hapa. Amen. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Mungu wabariki. Et bonne célébration. Je sais qu'à la fin de cette réunion, à la fin de ce programme de tournant, quelqu'un sera couronné. Et j'aimerais que, quand je suis arrivé, j'ai fait un peu le tour, j'ai eu à visiter et j'ai dit waouh. Nilipofika, nilizunguka nikasema oh. Les archois sont forts. Wa Kristo wa arche wa konguvu. Alors dis à ton voisin, j'aime mon église. Ambia aliye karibu nawe, napenda kanisa langu. Dis-lui bien, j'aime mon église. Mutikise mwambie napenda kanisa langu. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Mujishangilie. Merci, pasteur. Amen. Amen. Kuna furaha kubwa katika nyumba ya Mungu. C'est une grande joie dans la maison de Dieu. Afutuko tunajifunza kuhusu namna gani tunaweza kufanikiwa. Nous sommes en train de parler de comment nous pouvons réussir katika vipindi vyote vya maisha. Dans toutes les étapes de la vie. Unajua kushindwa haibariki mwenye alishindwa. L'échec ne bénit pas celui qui a échoué. Lakini kuweza inambariki hata mwenye aliweza. La réussite bénit celui qui a réussi. Tunapoona watoto wetu wakipata diplome. Lorsque nous voyons nos enfants obtenir des diplômes. Tunaona gizi furaha ni kubwa sana. Nous voyons comment la joie est immense. Hata mji unaweza kujua kwamba watoto wameweza diplome. Même la ville vibre parce que les jeunes ont eu leur diplôme. Na baba anafurahi kwa sababu anaona pesa tulilipa Minerval imeenda vizuri. Et le père est content parce qu'il s'est dit j'investis mon Minerval à un bon endroit. Tuna baba mbinguni aliyetutuma katika dunia. Nous avons un père qui nous a envoyé dans ce monde. Na moyo wake haifurahi wakati tunaishi maisha ya kushindwa. Et son cœur est triste lorsque nous échouons. Historia za watu wengi wamemaliza maisha kabisa katika échec. Beaucoup de gens ont fini leur vie en échec. Mungu kabisa kaona maisha yao ni échec. Dieu a vu que leur vie était réellement de l'échec. Sisi hatuwezi tena kutembea katika hiyo njia. Et nous ne marchons pas sur ces voies. Na Zaburi sura ya kwanza ikatuonesha siri zile. Et psaume 1 nous montre les secrets nous menant à la réussite. Et comment nous pouvons échapper l'échec. Si tu restes tel que tu es, tu vas persévérer et sombrer dans l'échec. Si tu ne fais rien, tu vas demeurer dans ton échec. Et l'échec ne va pas te bénir. Voyez comment Gédéon avait un sentiment de tristesse vis-à-vis des adversaires qui dominaient leur peuple. Sa personnalité était étouffée. Le potentiel qu'il avait obtenu de Dieu était étouffé. Il pensait que la vie n'est pas faite de grandeur. Il disait peut-être qu'ils sont maudits et il se disait, mais où est ce père? C'est Dieu que nos pères ont rencontré. Si nous demeurons, nous persévérons dans les échecs, nous allons commencer à douter de l'amour de Dieu. Et le diable peut te prêcher en te disant, est-ce que réellement Dieu t'aime? Si Dieu t'aimait, pouvais-tu être tel que tu es? pouvais-tu être tel que tu es? Et tu peux commencer à dire peut-être que c'est vrai, Dieu ne m'aime pas. Tu arrives à commencer à douter de l'amour de Dieu pour toi. Alors que l'amour de Dieu couvre le monde. Si tu pars à l'extérieur, tu vas découvrir que l'amour de Dieu est partout. Lorsque le soleil nous éclaire, ça témoigne l'amour de Dieu. Le soleil est un serviteur de Dieu à notre faveur, à notre service. Si le soleil n'est pas là, il n'y a pas de vie sur terre. Il n'y a pas de vie sans lumière. Si ce soleil n'est pas là, ce lac deviendra glace. Ce lac deviendra comme de pierre. C'est le soleil qui rend au lac la capacité d'être liquide. Et l'amour de Dieu s'est manifesté quand il a donné Jésus à la croix. Mais quelque part, il peut y arriver que l'on doute de l'amour de Dieu. Raison pour laquelle nous sommes ici pour être enseignés et voir comment nous pouvons quitter l'échec. Et on nous a donné les bases. Disons que nous devons connaître qui nous sommes. Nous devons découvrir nos noms. Nous devons savoir qu'il y a des investissements de Dieu en nous. Il y a des potentiels que Dieu a placés en nous. Nous ne sommes pas des vauriens sur terre. Il y a des potentiels dans chacun de nous ici. Et Dieu s'est révélé à Gédéon qu'il est un héros. C'est lui qui va libérer son peuple. Et toutes ces richesses sommeillent dans chacun de nous ici. Il y a de merveilles de Dieu dans chacun de nous ici. Chacun de nous est un investissement de Dieu. Dieu a placé beaucoup de richesses dans chacun de nous. Et lorsque nous allons venir auprès de Dieu, et nous allons justifier ce que Dieu a mis en nous. Malheur à celui qui dira, je n'avais rien. C'est le jour où Dieu va commencer à te montrer ce que tu avais. Il n'y a personne qui est même réduit. Ne dis pas que je n'ai rien. Dis à ton prochain, ne dis pas que tu n'as rien. Tu as quelque chose. Ton problème, c'est l'ignorance, tu ne sais pas ce que tu as. Il te faut connaître ce que tu as obtenu de Dieu. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose que Dieu a placé dans chacun de nous. C'est pourquoi nous sommes ici. Afin que cette chose déclenche pour la gloire de Dieu et pour le bénéfice de notre environnement. Nous avions commencé à parler de comment nous pouvons réussir selon Dieu. Il y a la réussite selon le monde. Nous avons vu dans Apocalypse 3. Les gens qui se considéraient comme riches, mais quand Jésus les a visités, il les a considérés comme des pauvres. Et Jésus leur a dit, abandonnez vos illusions, vous n'avez rien. Venez pour que je vous donne la vraie richesse parce que je l'ai. Jésus a une richesse qu'il peut nous donner. Ils étaient habillés, mais Jésus leur dit, vous êtes nus. Venez pour que je vous donne des habits. Il leur dit, venez, je vais ouvrir vos yeux. Nous avons commencé à parler du premier point qui nous permettra de réussir. Haiko kitu ingine sipokuwa ile tulipata ndani ya Matthieu 20. Nous sommes inspirés de Matthieu chapitre 20. 24 paka 28. 24 à 28. Tunaweza kusoma pale ndio tulipata premier point yetu. C'est là que nous avions eu notre premier point. Ndani ya njia ya réussite selon Dieu. Sur le chemin de la réussite selon Dieu. Matthieu chapitre 20 verset 24 à 28, nous lisons au nom de Jésus. Les dix ayant entendu cela, firent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que le chef des nations les tyrannise et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs paroles du Seigneur. Alors, premier point, katika njia ya kuresir. Le premier point pour réussir selon Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être prêt à servir. Accepter de servir premièrement Dieu. Dieu accepter de servir tes prochains. La philosophie du monde veut que nous recevons les services venant des autres. L'autre philosophie du monde veut que nous travaillions juste pour nous-mêmes. C'est pourquoi tu trouveras la plupart des gens que Dieu a élevés pour servir la communauté. Au lieu qu'ils servent la communauté, ils travaillent pour eux-mêmes. Au lieu qu'ils travaillent pour le peuple, ils travaillent pour eux. Et ça devient la cause de beaucoup de calamités parmi le peuple. Un papa qui veut travailler juste pour lui-même, sa famille va être dans le problème sérieux. Nous devons avoir le manteau de service. On est grand que lorsqu'on rend service. C'est là qui rend service au peuple. Ce sont eux qui vont loin. Ceux qui nous offrent leur service, ces gens ne sont pas pauvres. C'est là qui ont travaillé pour que nous ayons le téléphone. Ces gens sont élevés dans la vie. Tout celui qui pense rendre service à son prochain en répondant à un besoin, en décantant un problème dans la famille, en enlevant un problème, cette personne est élevée dans le royaume de Dieu. La grandeur ne dépend pas de ta position. La grandeur dépend du service que tu rends. Si tu refuses de t'habiller du manteau de service, tu refuses la grandeur. Si tu veux toujours qu'on te rend service, tu te bloques. Même ton intelligence, même tes projets. Rassure-toi que dedans il y a une portion de rendre service. Il y a beaucoup de besoins qui nécessite que quelqu'un les résout. Alors l'action de grâce de ces gens sera tes fruits. Katika communauté kwenye unaishi, katika jamaa kwenye unaishi. Là où tu vis. Est-ce que hakuna besoin fulani ambao wewe unaweza kutumikia pale na ulete jibu? N'y a-t-il pas un besoin pour lequel tu peux t'investir et apporter la solution? Ku premier kitu niliongea juu ya ule témoignage ya frère Lick. Je parlais du frère Lick qui est mort. Paix à son âme, ndugu yetu ambaye alilungula kwa nyumba. Paix à son âme. Nilisikia témoignage yake. J'ai entendu son témoignage. Ça m'a touché le cœur jusqu'au point de pleurer. J'ai entendu parler. C'était sa petite sœur qui témoignait. Si elle est ici, j'ai compati avec elle. Sa petite sœur, qu'est-ce qu'elle a dit? Grand frère yake. Mon grand frère, elle était à la dimension de prendre de l'eau et le mettre pour moi à la douche. Il dit, ma princesse, il y a de l'eau, lave-toi. Combien de jeunes ici peuvent le faire pour leur petite sœur? Ma grand frère, il n'y a pas de l'eau. Nombreux sont ici. Nombreux sont ici. Si on leur confie la responsabilité, ils dominent simplement sur les autres et les terrorisent. Vous gênez. Grandeur, haiko kusema mie njo balizalaka wa kwanza, mie njo papa tunakula na papa hapana, grandeur iko selogi zuko na servir. La grandeur n'est pas que je mange avec mon père, c'est moi le premier né. La grandeur dépend du service que tu rends dans ta famille. Servire benzako, servire benzako. Rends service à d'autres dans la famille. C'est là qui ont le manteau du service. Il ne chôme pas. C'est l'esprit que David s'est revêti. Il était un jeune homme. Je ne sais pas pourquoi son père lui a confié la richesse de la famille. Avant, l'économie était dans le levage. Même aujourd'hui, beaucoup de richesses sont investies dans le levage. Cela veut dire qu'il a commencé peut-être est-ce par les grands frères. Tu peux aller garder les troupeaux. Mais je vais me marier. Qu'est-ce que les filles diront? On va me mépriser. Alors, baba, le père a manqué quelqu'un. David, David était trop jeune, mineur. Papa, je suis prêt. Il dit, père, je vais aller. Et c'est comme ça qu'il est allé servir. Et il le faisait avec tout son cœur. Il n'a même pas accepté que les bêtes féroces ravagent le troupeau de son père. Il savait que le père va lui demander les rapports. Et il les faisait bien. Et Dieu dans les cieux a approuvé le service kidogo. Il a approuvé le petit service. Si nous apprenons à travailler bien dans des petites choses et nous les faisons très bien, ça nous rend candidat à un échelon de supériorité. La grandeur fait que tu quittes la première étape et que tu montes à la deuxième. Nous voyons comment David a cessé d'être berger des troupeaux jusqu'à devenir berger de toute la nation. Il était animé par le même esprit de service. Et réellement, il a bien gardé le pays. Pendant les temps de David, il n'y avait pas d'ennemis. Parce que la main de Dieu les soutenait. Père, nous sommes pères parce que nous devons bien servir nos familles. Position ya chef de famille haiko ya domination haiko ya kukanyaka ba mama na batoto. Ta position d'être chef de ta famille n'est pas pour dominer sur ta femme et tes enfants. Nombreux ont la connaissance erronée de la chefferie dans la famille. Un bon chef est celui qui rend service aux subalternes. Bien-aimés, revêtons le manteau du service. Jésus s'est débarrassé du manteau. Il commença à laver le pied de ses disciples. Parce que lui-même est venu dans ce monde avec deux paroles. Servir, servir et offrir sa vie. Matthieu 20, 28. Nilikuya apana ba nitumikie mie njo nitumikie. Je suis venu pas pour être servi mais pour servir. Na sasa unaona grandeur ambayo Mungu alimupa. Et voyez la grandeur que Dieu lui a assignée. Esaïe 52 ukaanza ku 13 kushuka. Donc Esaïe 52 13 en descendant. Ukasoma Philippiens chapitre 2 kuendelea pale. Kushuka paka 8. On continue jusqu'à 8. Comme il jishusha. Comme il s'est humilié. Mungu akamuinua. Dieu l'a élevé. Lorsque nous nous humilions en travaillant pour les gens, Dieu nous élève plus haut. Nous allons changer ce pays avec l'esprit de rendre service. Pas cet esprit de seigneurie. Cet esprit de se rendre service. Ne soyons pas animés par cet esprit égocentrique qui nous amène à travailler pour soi. Dis à ton voisin, sois serviteur, sois servante. Là où Dieu t'a établi, sois serviteur. Le premier secret, c'est d'être serviteur. Chef, vous qui êtes ici, soyez des modèles. Modèle ni njosi ba chef. Ba chef ya ma famille njosi ba modèle ku service. Nous les chefs de famille soyons des modèles. Est-ce que tunakubaliana mpaka pale? Sommes-nous d'accord? Est-ce que tunakubaliana mpaka pale? Est-ce que tunaweza shangilia Bwana juu ya hiyo? Acclamons le Seigneur. Seigneur Jésus a touché ile nguo. Jésus a enlevé son manteau. Il fallait j'y dépouiller na orgueil. Il s'est dépouillé de l'orgueil humain. Tout qu'on a besoin à coudre dépouiller na orgueil. Nous devons nous débarrasser de l'orgueil. Il tu va le vase ya utumishi. Pour porter le manteau de serviteur. Ndani ya kanisa moya Corée. Dans une église à Corée. Président de la République ko diacre. Le président de la République est diacre. Anatumika ku service ya protocole. Il est au protocole. Anasema hapa bu président ni kule hapa niko mtumishi. Il dit allez derrière je suis président ici je suis serviteur yangu. Fidèle à mon poste. Kama hata utasukula wese. S'il s'agit de, d'arranger les toilettes, uko mtumishi wa Mungu. Tu es serviteur de Dieu. Kwenye uko natumika, Mungu anakuona. Là où tu arranges Dieu te voit. Ya Mungu, hamuna kazi ya kidogo. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de petites boulots. Si tu arranges les chaises, uko mtumishi wa Mungu. Tu es serviteur de Dieu. Indio Paul anatuambia mu 1 Corinthiens 3. C'est ce que Paul nous dit. 23-24. 1 Corinthiens 3, 23-24. Tujue ya kwamba tuko watumishi. Sachant que nous sommes serviteurs. Tusome ile verset. Lisons ces versets. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. 23-24. Nous lisons au nom de Jésus. Tout ce que vous faites, faites-les de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur, l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Amen. Dans tout ce que tu feras, partout où tu es, fais comme si tu sers le Seigneur. Cette parole s'adressait à ceux-là qui étaient comme des esclaves. Ceux qui sont sous l'autorité d'un seigneur. Dieu a beaucoup écrit au sujet de ces gens. Les gens qui sont soumis à une autorité quelconque. Il leur dit, faites ce travail, faites-le bien et voyez Jésus là. Fais bien ton travail comme si tu sers Jésus. Partout où Dieu t'a placé. Pas seulement à l'église. Partout dans la famille. Le travail que Dieu t'a confié. Fais-le bien. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire que vous faites ce travail? Dis à deux personnes. Fais bien ton travail. Songa bugali bien. Fagia kiwanja bien. Si tu prépares la nourriture, rassure-toi que tu le fais bien. Kama wenjo utasuka dada yangu nywele umusuke bien. Kama utanikwafe, unikwafe bien. Sinipengamishi. Mina fika beni. Mina nenda kusalo moya, ndugu moya anasema ananinyola, ana palula kichwa changu yote lupa. Abeni, je vais dans un salon de coiffure. Un jeune homme dit qu'il va me coiffer. Il rase ma tête comme c'est le cas pour moi là. Dis-lui, fais bien ton travail. Fais bien ton travail parce que Dieu t'observe. Tu vas acclamer le Seigneur. Le deuxième point nous permettant de réussir, nous parlons de la fidélité. Dans Matthieu chapitre 24, Matthieu 24, Matthieu 25, c'est parabole des talents. On nous parle du parabole des talents. Tout en somme, verset. On dit que somme 14. Vas-y, jusqu'à 21. Nous lisons notre Seigneur. Il en sera comme l'un, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et les remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres, celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, car tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approchant aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien. » Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Je eus peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt, parole du Seigneur. Amen. Après, nous avons deux catégories de serviteurs. Ici, il y a deux sortes de serviteurs. Catégorie kwanza ni bale biko fidèle. Primo sont ceux-là qui sont fidèles. Na ni bale ambao banaji engagé kutumika kwa faida ya maître wao. C'est là qui s'engage à travailler pour le profit de maître. Catégorie ya pili ni bale banakatala kutumika. Segundo sont ceux-là qui refusent de travailler. Na banaficha talent bwana alibapatia. Et qui cachent les talents que Dieu leur a confiés. Alors tunaona ya kwamba kwa mwisho bote bali rendre compte. Tous sont venus rendre compte. Ili bapate mshahara ambao ilikuwa na bastahili. Pour recevoir la rétribution qui leur dû. Groupe ya kwanza ni bale ba fidèle. Primo, c'était ceux-là qui étaient fidèles. Tunaona namna gani bali tumika vizuri. Nous voyons comment ils ont bien travaillé. Ni kusema banaonesha balikuwa obéissant. Ils étaient obéissants. Ku mission bwana alibapatia ku parole ya maître wabo. À la mission que leur maître les a confiée. Na baka fructifier ile investissement maître wa bali bapatia. Ils ont fructifié ce que leur maître leur avait donné. Tulisema Seigneur ali investir mengi ndani yetu anango ya retour apokee kutoka kwa kila mwana wetu. Nous avons dit que Dieu a beaucoup investi en nous et il attend quelque chose de nous tous. Kila mwana wetu alipokea quelque chose. Chacun de nous a reçu quelque chose de Dieu. Kuanzia ndani ya mwili na ndani ya roho. Spirituellement dans le corps et dans l'esprit. Capacité yako ya akili. Ton intelligence. Il est batala enyo konazo. Les différents talents que tu as. Il est capacité yako ya ile neema ya kupokelewa kuna batu mingi unaweza kutana na batu wanamfurahiaka tu hivi. La grâce d'être accepté gratuitement. La grâce d'être écouté facilement. Ces choses constituent l'investissement de Dieu en nous. Pour que nous les utilisions pour sa gloire. Quand nous les utilisons, il nous paye. Au-delà du paye, Dieu parlait de la fidélité. Dieu attend la fidélité de chacun de nous. Fidèle au poste yako. Fidèle à ton poste. Fidèle ku mission yako. Fidèle à ta mission. Certes tu es fidèle. Nous devons être fidèles. Sababu nyuma kuna moyo atatuuliza. Quelqu'un nous demandera les comptes. Il te demandera qu'as-tu fait de ce que je t'avais donné. Qu'as-tu fait de ce que tu as reçu. Les serviteurs qui ont reçu 2-5 talents ont fructifié et le maître a dit vous êtes des bons et fidèles serviteurs, je vais entrer dans ma gloire. Bien aimé, unapoanza kutumika vizuri na ile yenye uko nayo. Quand tu commences à bien exploiter ce que tu as, bila kujidanganya kuangalia yenye bengine biko nayo. Sans pour autant convoiter ce que d'autres ont. Sababu unaona hapa Seigneur alipopana hapanake sawa sawa. Le maître ne donne pas à la même mesure. Si bote atukupokea sawa sawa. On n'a pas réussi de la même manière. Ndio maana unaweza kutana katikati yetu kuko yenye biko na facilité ya kufanya vitu vingine. C'est pourquoi parmi nous il y a certains qui peuvent faire certaines choses. Wewe haukapima unavunjika. Si toi tu es sais, tu ne réussiras point. Eh kuko bangili kuna facilité anaweza tu tunaangalia kabumbu. Unaona mtu anaweza angalia bana nafasi ya kuyaza ni hapa. Yeye anaangalia huku na anageuka hivi anayaza hapa. Il y a d'autres qui peuvent être stable. Anayaza hapa na haone. Il est là. Na anaruka mpaka hapa. Wewe ukapima utavunjika mgongo na kufa. Tu haukupata ile don. Il y a d'autres qui sont des joueurs. Il peut biter mais si tu essaies, tu ne réussiras pas à le faire comme lui. Wewe unaweza kwa unaweza kusuka. Toi tu peux être avoir la na capacité de tresser. Tu tresses bien. Si Dieu unajua kufanya nini vizuri. Je ne sais pas en quoi tu es spécialiste. Ne méprise pas ce que tu as. Wakati tunazarau tulioipata. Nous échouons lorsque nous méprisons ce que nous avons reçu. Et nous commençons à envier ce que Mungu les voisins ont. Si je pouvais être comme telle personne. Ile yenye uko nayo kama unaitumikisha vizuri Bwana atakuongezea. Ce que tu as, si tu l'exploites bien. Tumikisha vizuri yenye ulipata. Si tu exploites bien ce que tu as, Dieu veut te rajouter. Ata ni itumikishe vizuri. Utilise les biens. Na hapa tunaona Bwana alibakote juu ya fidélité. Dieu les racote, le maître les racote à cause de la fidélité. Hapa tunakutana point ya kwanza mlikuwa obéissance. Dans leur fidélité primo il y avait l'obéissance. Point ya pili mlikuwa kufanya kazi. Segundo il y avait le sens de rendre service. Hauwezi kuwa fidèle na ukoe mvivu. Tu ne peux pas être fidèle et être paresseux. Kwa kazi walikupatia sharti uitumike. Vis-à-vis du travail qu'on t'a donné, tu dois accomplir le travail qui t'a été donné. À ton bureau, assume bien ton rôle. Fais bien ce que tu dois faire. C'est pourquoi tu dois connaître quelle est ta priorité. La plupart des fois, nous perdons du temps dans les choses éphémères. Nous perdons du temps dans les choses éphémères. Nous perdons le temps dans beaucoup de choses inutiles. Et le diable nous piège dans le téléphone. Le téléphone te prend beaucoup de temps que le temps de travailler. Alors que la journée n'a que 24 heures. D'autres travaillent, nous autres nous chatons. Pauvreté ta tuingiria Biblia na sema. La pauvreté va nous menacer. Bien aimé, cher de tutumike. Nous devons travailler. Sawa, tumbili, tunaona bali tumika. Les deux gens ont travaillé. Bali fructifié nye bali kuwa nayo. Ils ont fructifié ce qu'ils ont reçu. Tumikisha yenye uko nayo. Exploite ce que tu as. Na do yote wakati unaitumikisha. Lorsque tu utilises ton don, ndipo inapanda. C'est là que ça s'élargit. Que ça soit spirituellement. Wakati unaanza kuitumikisha. Quand tu commences à l'exploiter, ndipo inapanda. Ça explose. C'est pourquoi unaona unapoanza maombi. Quand tu commences à prier, c'est lourd. Mais plus on a kuomba, mais à fonction de continuer, ça coule de soi. C'est que plus on a tumikisha, plus tu exploites, plus tu élargis. Plus on a tumikisha, plus tu exerces ta main à travailler, plus ta main devient souple à produire. Tumikisha vizuri kenye ulipokea. Exploite mieux ce que tu as réussi. Usiangalie kia mwenzako. Ne convoite pas ce que l'autre a. Usiwe muvivu. Ne sois pas paresseux. Fanya kazi ukiti neno la Mungu. Travaille en obéissant à la parole de Dieu. Na tukaongea pointi ya tatu. Nous allons parler du troisième point. Ilikuwa attitude yetu. Notre attitude. Namna yetu ya kuangalia. Notre manière de percevoir. Namna yetu ya kuona inaweza kuacha tunaeshuwe. Notre manière de voir peut nous amener à échouer. Attitude yetu inaweza kuvunja maisha yetu. Notre attitude peut détruire notre vie. Wakati nilikuwa naangalia nilikuwa nasikia histoire ya Mephibosheth. Je lisais l'histoire de Mephibosheth. David amekumbuka promesse alipatia Jonathan. David s'est rappelé de la promesse qu'il a faite à Jonathan. Jonathan ishakufa. Il est déjà mort. Maintenant, Jonathan. David anataka kufanyizia mema mtoto ya Jonathan. David veut faire du bien à Jonathan, au fils de Jonathan. Bakamwambia kuna mtoto tu moya Mephibosheth. On lui a dit il y a juste un seul enfant Mephibosheth. David akasema mumuite. David dit amenez-le. Balipo muita. Quand on l'a amené, Mephibosheth akamwambia David hivi. Iko mbele ya mfalme. Dit au roi David. Anasema ni nini hii mfalme? C'est quoi ceci? Ili ufikirie mtumishi wako. Pour que tu penses à ton serviteur. Umbwa aliyekufa. Un chien mort. Unamwaza kunini huyu umbwa ashakufa? Que penses-tu de ces chiens morts? Wengi tunakuwa na hali kama hii. Beaucoup de nous ont la perception comme celle-ci. Sisi wenyewe tunapojiona tunajiona hivi. Nous nous voyons, nous nous considérons de la manière, de la sorte. Donc tunaona kama hatu merite tena hata kitu hata kimoya. Nous nous voyons comme ne méritant rien du tout. Donc imbo ile ukufa na merite nini basi? Un chien mort mérite quoi? Mephibosheth ndani yake image yake ndani yake yeye mwenyewe ni imbo ishakufa. Mephibosheth en lui, il avait l'image d'un chien mort. Il dit pourquoi baba yake alikuwa na alliance? Alors que son père avait alikuwa na alliance. Il avait l'alliance. Sababu alliance haikufake. L'alliance ne meurt jamais. Vitu mko mnaomba hapa au mko mnapokea hapa vitakufa. Les choses que vous recevez ici ne mourront jamais. Vitu tuko tunatafuta hapa haiko vya kukufa. Ce que nous cherchons ici ne mourra jamais. Vitu tuko tunatafuta hapa ni vya kuenda navyo mu éternité. Ce que nous cherchons va nous accompagner jusqu'à l'éternité. Vitu tunatafuta hapa vinavuka kaburi. Les choses que nous cherchons vont traverser au-delà. C'est au-delà de cette vie. C'est au-delà de la vie physique maintenant. Ça nous accompagne jusqu'au ciel. Jean 4, verset 35. Jean 4, 35. Utaiona ya kwamba vitu ambavyo Yesu anatupa vinatupeleka ndani ya vie éternelle. Ce que Dieu nous donne nous accompagne jusqu'à l'éternité. Réussite tuko tunaongelea hapa tuna réussir hapa na mu éternité. Notre réussite c'est maintenant et dans l'éternité. Hapana ukue riche hapa mule mu éternité unakuwa mandia wa mai. Ne sois pas riche ici et dans l'éternité tu sois mendiant de l'eau. Tunaona Bible inatupa exemple ya mtu mwenye riche ku monde même mule au-delà ya monde iko mandia. La Bible nous parle d'un riche qui était fortement riche sur terre, mais dans le ciel, dans le monde invisible, il était pauvre. Bien-aimé, yale ambao unapokea hapa c'est pour que tu réussisses hapa na tu réussisses partie yako ya pili. Ce que tu es en train de recevoir ici, c'est pour que tu réussisses ici et que tu réussisses au ciel. Dieu maana tunapaswa kuhakikisha tunaobeir ku parole ya Mungu. Rassurons-nous que nous soyons en train d'obéir à la alors, parole de Dieu. Alors changer attitude zetu. Nous devons changer nos attitudes. Attitude yetu inaweza kubloquer hata kazi ya Mungu ndani yetu. Notre attitude peut bloquer même l'œuvre de Dieu inaweza en nous. Inaweza kuannuler prière yote huko unafanya. ton attitude peut annuler ta prière ici. Acha kujiona katika hali mbaya. Cesse de te voir comme étant un vaurien. Kama una maana macho ya Mungu. Considère-toi comme quelqu'un de valeur aux yeux de Dieu. Kukwambia gizuko fils na fille inike wa Mungu. Je t'assure que tu es l'héritier unique de Dieu. Mungu hana we, batu kama we mbili. Dieu n'a pas de personne comme toi. Ambia ule mwenye pembeni yako Mungu mpatie jina yake. Muulize jina yake. Kisha umwambie mjina yake useme Mungu hakuwake na ba wewe mbili. Et dis-lui Mungu hakuwake na ba jam mbili iko tu na wewe peke. C'est lui ton voisin. Mwambie bia isikie, mwambie Mungu hakuwake na ba jam mbili. Tu vas saluer ton voisin et lui dire tu es l'unique investissement plénipotentiel de Dieu. Mungu hakuwake na ba wewe mbili uko tu unique. N'a pas de personne comme toi c'était. Les jours où tu pars, tu pars. Si tu n'as pas fini ta mission, c'est terminé. Tu es unique à ton genre. Et une mission unique. Provision unique. Ta provision, elle est unique. Tout ce que tu as est unique à toi. Que la grâce de Dieu t'amène à ta spécificité. Tu vois ton empreinte digitale. Si tu le places comme ça, même si on amène autant de gens, ils n'auront pas ton empreinte digitale. En toi, il y a un autre cachet de ta spécificité. Ça s'appelle le ADN. C'est aussi unique. Alors, tu es important. Il n'y a que toi seul qui puisse annuler ce que Dieu a planifié à ton sujet via ta mauvaise attitude. Changeons nos attitudes. Et Dieu va nous faire monter. C'est son devoir les choses en mépris. Ce n'est pas parce que je suis en difficulté que c'est la fin pour moi. Face na ile probleme ukiwa na maono mazuri. Affronte ton problème ayant une bonne vision sur toi. Congolais, tu faire face à problème ya Congo, tu qui na vision ya Congo mzuri. Congolais, militons tout en ayant une bonne vision sur le Congo. Responsable ya ma famille, mu faire face à ma défi ya famille, mu qui na maono mazuri. Responsable de famille, affronte le défi familial tout en ayant une vision bien. Mu na maono mazuri tu ya watoto, mu sikwe limité kwa gizi munaona problème ya mtoto leo, isikwache unaanza kuongea vibaya juu ya mtoto. Anza kuongea Il faudrait que tu aies une bonne vision sur l'enfant, quel que soit l'état dévasteuse dans lequel l'enfant tout se trouve. Changeons nos visions. Comment nous nous percevons et comment nous percevons notre environnement. Tu dois te voir de la manière dont Dieu te voit. Crois sur ce que Dieu parle de toi. Change ta vision. Et ta vie va changer. Change ta perception. Les choses vont changer. Si tu as une mauvaise perception, ça va influencer ta vie. Ça va ensorceler ta destinée. Tu seras le sorcier de ta vie toi-même. Alors, tu as un point à faire. Le point suivant. Tunaongelea nukta tunapotaka kureussir. Si nous voulons réussir, bien aimé, sherti tuwe watu wa maombi. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Hatuwezi kufikiri kureussir na tunazarau maombi. N'imaginons jamais réussir tout en méprisant la prière. Kushindwa ya wengi wetu, ce qui est à la base de l'échec de beaucoup de gens. C'est la manière dont on a géré la vie des prières. Dans Éphésiens 6, verset 18. Dans Éphésiens 6, 18. Paul a conseillé l'église d'Éphèse. Paul conseille l'église d'Éphèse. Il leur dit, veillez sur votre vie des prières. Veillez sur votre vie de prière. La prière, c'est comme ce micro que je tiens. Circonstances na shetani iko na besoin à kuninyanganya. Circonstances na shetani anapenda ninyanganye I micro sa. Ok. L'environnement dans lequel je suis et les diables lui-même veulent me ravir le micro que je tiens. La prière, c'est l'arme que tu portes spirituellement. Prière est ton silayako. Ta prière est ton arme. Prière est ton escalier yako ya kupanda. Ta prière est ton escalier pour monter. Prière est ton umeipokea juu ya kuchanger situation zako. Tu as reçu la prière, tu as la prière pour changer la situation. Mwenye naomba hapashe kubakia vile vile. Quelqu'un qui prie ne reste pas le même. Quand nous méprisons la prière, quand nous refusons de prier, nous-mêmes nous attirons sur nous l'esprit d'échec. Il n'y a pas de vie de victoire. Il n'y a pas de vie de réussite. En Dieu, si nous méprisons la prière, ceux qui sont dans le monde, les gens du monde ont compris que l'homme a toujours besoin du surnaturel. C'est pourquoi les païens se connectent aux puissances obscures. C'est là qu'ils puisent leur force en secret. Mais nous là, nous méprisons la prière et nous sommes dépouillés d'armement. Nous étouffons le feu en nous. Et c'est ça la base de l'échec de prière. Vérifie ta vie de prière il y a 6 ans passés. Vérifie comment tu priais il y a une année passée. Regarde le fruit d'avant. Et le moment où tu as commencé à mépriser la prière. Dans Luc chapitre 18. Seigneur Jésus a nous donné l'exemple de la maman. Jésus nous parle de l'exemple d'une maman. Pour que tu encourages kuomba bila kuacha. Afin de nous exhorter à prier sans lâcher. Pour t'encourager kuomba bila kuvunjika moyo. Afin de nous interpeller à prier sans se lâcher. Mama moya alikuwa na problème, alikuwa veuve. Une maman était veuve avec problème. Unajua ndani ya société veuve ni mtu wa mwisho. Dans la société, la veuve est déconsidérée. Anaachiriwa, anaonelewa. Elle est méprisée. Bwanake alimwachia parcelle. Sa mère, son mari lui a laissé une parcelle. Sasa kuna mtu alikuwa amemnyang'anya. Un homme lui a ravi cette parcelle. Na mwenyange murudishia ile parcelle. Et celui qui devrait lui remettre dans ses droits. Alikuwa juge ambaye alikuwa na caractère mbili. C'était un juge qui avait deux caractères. Alikuwa haogope Mungu. Primo, il ne craignait pas Dieu. Alikuwa hajali mtu. Segundo, il ne s'occupait, il ne craignait personne. Il s'en foutait de tout le monde. Cette maman savait le secret de la prière. Il connaissait le mystère spirituel. Elle ne pouvait pas vite accepter la défaite. Elle pouvait se dire parce que ce juge ne craint personne, ni Dieu. Bon. J'abandonne ces dossiers. Il y a certaines choses qui nécessitent nous. Participation yetu, ni responsabilité yetu. Ça nécessite notre responsabilité. Il y a des problèmes qui sont là parce que nous laissons ces problèmes continuer. Il y a d'autres problèmes qui sont là parce que nous ouvrons nous-mêmes la porte. Il y a des démons qui nous terrorisent parce que nous leur fichons, nous leur donnons la paix. Pourquoi ne prends-tu pas la décision de terroriser celui qui te terrorise? Cette maman a commencé à fréquenter le juge. Peu importe sa situation, elle ne s'est pas découragée. L'homme des foi ne lâche pas. L'homme des foi connaît ce qui est sa part et il le cherche à tout prix. Elle dit, il faut que je... Que tu craignes Dieu ou pas, moi j'entre dans le spirituel. Tu ne vas pas escroquer ma parcelle. Tu escroques celui des autres. Le mien, tu vas le lâcher. Elle a refusé l'échec. Elle a dit, je vais chercher par le genou. Elle a commencé à fréquenter les juges le matin, le soir, chaque jour. Ce juge a dit, même si je ne crains pas Dieu, cette fois-ci pour celle-ci, je laisse. Tu peux entrer en prière et tu fais vomir à l'ennemi ton héritage. Yako kamu na mwingilia mukiro, kamu na mwingilia mumagoti. L'ennemi, les diables, les sorciers peuvent avoir volé beaucoup de gens, mais si toi tu plonges dans la prière, il va laisser ce qui est ta part. C'est nous qui leur donnons le feu vert pour agir sur nous. Dans notre attitude, tu peux te dire, bon, c'est perdu, j'accepte. Non. Apana. Never. Tu diras, le mien, il va le remettre. Et dans cette prière, localise ce qu'on a volé et dit que ça revienne. Jonas, le poisson a vomi Jonas. Il y a des gens qui ne seront pas avalés par le poisson. Même la mort va vous... Laisse ta part, cherche ta part par le canal de la prière. Acha et quel que soit là où ça y est, ça va sortir. Que tes ennemis, laisse ton héritage. Ce qui est à toi, que ça devienne amer. Que ta vie soit amère. Personne ne va te manger. Et que ta bénédiction soit l'effet à tout celui qui l'a volé. La prière de cette maman, fais-moi justice de ma partie adverse, consistait à demander la justice. Il y a une justice qui t'appartient, mais qui est détenu par l'ennemi. Dans la prière, tu vas dire à Dieu, remets à moi le... L'héritage qui a été détenu. L'héritage de beaucoup de gens est détenu. Beaucoup de mariages sont détenus dans le maison de fétichère. Quand tu demandes à Dieu ta justice en tant qu'enfant des yeux, Dieu va te le remettre. Dieu leur fera justice promptement. Na Mungu atawapatia haki yao kwa ghafla. Lakini ni wale walioomba. Ce sont ceux qui prient. Sio wale walionungunika. Pas ceux qui se lamentent. Sio wale walioenda lala, sio wavivu. Pas le paresseux. Ni wale walioomba. C'est là qui bosse dans la prière. Kusa mtu mbili mwambie chochea maombi. Chochea maombi, ulizimisha maombi siku mingi. Ulishadharau maombi. Touche deux personnes. Dis-leur chauffe. Arche de l'Alliance Goma, tu choche ma ombi. Église Arche, prions ardemment. Batakwa nasema, oh, biko bana sema, habayo si secret yetu ni maombi. Ils vont parloter là à l'extérieur, ils ne savent pas notre secret. Notre secret c'est la prière. Il m'a 30 jours tu kona ishindi andala ba pantalon jo isharudi andani. Biko na azeta kufa bure. Tu kona sema Mungu tupe haki yetu hapa Goma. Nous prions. Amen. Accorde-nous notre justice à Goma. Que Dieu te donne ta justice. Que Dieu t'accorde ta justice. Qu'il te donne ta part. Qu'il te restaure. Il dit, je te donnerai tout ce que les sauterelles ont dévoré. Ce que les ennemis ont mangé, que ça devienne le feu. Retrouve la justice. Retrouve ton héritage. C'est ton droit de réussir, tu sais. C'est ton droit d'être béni. C'est ton droit d'aller en avant. C'est ton droit de vivre, d'expérimenter les promesses. C'est ton droit de vivre heureux. Oui, c'est ton droit de voir tes enfants croître. Oui, c'est ton droit de voir la bénédiction pénétrer ta maison. Que les anges visitent ta maison et qu'ils ouvrent ce qui était bloqué. Ce qui était bloqué, que ce soit débloqué. Que la grâce abonde et que tu aies ta part. Que Dieu qui a entendu Anne écoute ta prière aussi. Et qu'il t'accorde ta justice. Tu as été méprisé par les forts. Dans le monde spirituel, ils ont comploté. Unaomba Mungu aliye juu ya uchawi na ufumu na mapepo na kuzimu iko chini ya mamlaka ya Yesu Kristo. Lorsque tu pries celui qui est plus fort que tout cela. Ndio maana usijiime muda wa maombi mtoto wa Mungu. Ne laisse pas, ne manque pas le temps de prier. Maombi ndio silaha yetu. La prière est notre arme. Maombi ndio nguvu yetu. La prière fait notre force. Maombi ndio siri yetu. La prière est notre mystère. Nous ne pouvons pas fréquenter les fétichiens. Nous, notre secret, c'est le genou. David dit, d'autres se vendent pour les chars. Nous invoquons l'Éternel des armées. Ces incirconcis, ils vont tout vomir. Allez imposer les mains à vos enfants. Chaque parent impose les mains à vos enfants. On vend l'intelligence dans les écoles. On les vend. L'enfant devient dingue. Parce que l'autre a volé son intelligence. Il fonctionne avec. Mais les tiens, la tienne. On ne va pas la voler parce que tu connais. Seigneur, fais-moi justice. Dans tes prières, demande ta justice. Que Dieu te redonne ta justice. Qu'il te les donne. Nous sommes en train de vouloir parachever. L'étape suivante, c'est d'aimer Dieu. 1 Corinthiens 16, 26. 1 Corinthiens chapitre 16, le 26e verset. Nous allons commencer par Jean 21, 15 à 17. Nous allons commencer par Jean chapitre 21. Lorsque nous voulons réussir, il nous faut aimer Dieu. Il nous faut aimer Dieu. Dans le monde où nous vivons, il y a différentes sortes d'amour. Et Jean dit que l'amour de Dieu, l'amour du monde, détruit en nous l'amour de Dieu. Lorsque nous aimons le monde, nous perdons l'amour de Dieu. Et Jésus ne supporte pas que nous aimions quelque chose ou quelqu'un d'autre mieux que lui. Il ne va pas aimer. Nous allons lire face aussi qui existe quand on est là. 15. Jean chapitre 21 verset 15 jusqu'à. Et nous descendons là. Ok, nous lisons au nom de Jésus. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Jésus lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit, « Pour la troisième fois, m'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, paix mes brebis. 1 Corinthiens 16, 22. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 16, le 22e verset. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha, amen. Qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Inamaanisha laaniwe. Tunapopoteza upendo wa Mungu tunaingia munjia laana. Lorsque nous perdons l'amour pour Dieu, nous entrons dans la malédiction. Tunalaani kazi yetu, tunalaani maisha yetu, tunalaani entreprises zetu sisi wenyewe. Nous apportons la malédiction sur notre travail, notre famille et consorts. Après la résurrection, Seigneur a posé Pierre une question. Le Seigneur a posé à Pierre la question. Pierre venait de nier Jésus trois fois. Alors, Seigneur Jésus, Jésus a voulu se rassurer que Pierre est déjà rétabli. Il lui dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Relation yetu na Mungu anapenda ikuwe ndani ya amour bien-aimé. Dieu veut que notre relation avec lui soit caractérisée par l'amour. Ce qui va nous, doit nous attirer vers Dieu, c'est l'amour. Là où il y a l'amour, les choses deviennent automatiques. Mbele ya kumupa responsabilité ya kazi alimuuliza kwanza est-ce que unanipenda? Avant que Jésus ne donne à Pierre la responsabilité, il lui a demandé m'aimes-tu? Alipoitika ndio. Quand il a dit oui. Ndipo akamwambia chunga kondoo zangu. C'est là qu'il dit paix mes brebis. Sur base ya amour unanipenda. À fonction de cet amour que tu as pour moi. Utaweza kulisha kondoo zangu. Tu sauras prendre soin de mes brebis. Bien-aimé, tuko na besoin, tuko na kazi ya kutafuta kurudisha upendo wa Mungu. Nous devons remettre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Il faut que Dieu occupe sa place en nous. Tu dois demander que Dieu renaisse, fasse renaître encore en toi son amour. Il se peut que tu sois en besoin de dire je t'aime Seigneur. Ce ne sont pas seulement nous les hommes qui avons besoin d'écouter je t'aime. Même Dieu en a besoin. Qui a dit à Jésus je t'aime? Sois sincère. Qui? Unaona. Vous voyez? Nombre n'ont pas exprimé l'amour. Vous lui avez privé de son petit déjeuner. Dis à Jésus je t'aime. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Bien aimé ni cherte tu mpende Bwana. Le dernier point. Bien-aimé, cherti, tusimame katika imani. Nous devons être fermes dans la foi. Ni cherti tuamini kabisa ndani ya moyo wetu. Nous devons croire du fond de notre cœur. Ya kwamba Mungu anawalipa wanaomtafuta. Que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11 verset 6. Wa Ibrania 11 mstari wa 6. Yeyote anemtafuta Mungu anapata malipo. Kila aliyemwamini anapata malipo. Tout celui qui a cru en Dieu reçoit la rétribution. Tunapoamini kuko faveur Mungu anaachilia juu yetu. Lorsque nous avons la foi, il y a une faveur que Dieu libère à nous. Ni katika kuamini hata ndio tunaingia kusali. C'est au travers la foi même que nous accédons au salut. Mais tuko na besoin ya kuentretenir kuamini kwetu. Nous avons besoin d'entretenir notre foi. Sababu imani inaweza kusimama fasi moja. La foi peut commencer à marteler. Imani inaweza kuanza kurudi nyuma. La foi peut commencer à rétrograder. Na imani inaweza kuanza kuprogresser. Et la foi peut également progresser. Tuko na besoin ya kuprogresser ndani ya imani. Nous avons besoin de progresser dans la foi. Sababu tuko na destinée kubwa. Parce que nous avons une grande destinée. Or, yote na dépendre na gizi tunaamini. Tout dépend de la manière dont nous croyons. Sherti tusimame katika imani. Tenons dans la foi. Na tumwambie Mungu atusaidie. Et demandons l'aide de la part de Dieu. Ndani ya ile Matthieu chapitre 18 verset 8. Inasema mwana wa Mungu atakaporudi hapa atakuta imani. On dit lorsque le fils de l'homme reviendra, retrouvera-t-il la foi? Wakati mwana wa Mungu atarudi atakuta imani. Lorsque le fils de l'homme viendra, retrouvera-t-il la foi? Imani ni sherti tunzwe. Nous devons entretenir notre foi. Sherti tutunze imani, bien-aimé. Prenons soin de notre foi. Tutapokea ule urithi Bwana alituandalia. Ça nous permettra de recevoir l'héritage. Même dans le combat spirituel. Il a résisté au diable avec une foi ferme. Bible nasema mushindane na shetani na imani kali. Uko na madefi na madifikilte. Tu as beaucoup de défis et de difficultés à relever. Tu vas résister quoi yo madefi par la foi ferme. Tu vas bien résister que si tu as une foi ferme. Unaporegea muimani unapatia place baadui zako. Lorsque tu deviens léger dans la foi, tu donnes accès à tes ennemis. Acha Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse au travers notre chemin de réussite. Je te veux la réussite dans tous les domaines là où Dieu t'a établi. Va et réussis. Mutumishi wangu atainuka. Il s'élèvera encore, il ira très haut. Atainuka na takwenda juu. Endelea kuinuka, endelea kuenda tena juu. Panda, panda, panda, inuka, inuka, monte inuka. Encore plus haut. Inuka. Monte plus haut. Na Mungu atubariki. Et que le Seigneur nous bénisse. Karibu pasteur kwa